Cette semaine, on met du plan de show. Dans Filmvision, Filmvision, Amazon produira une série sur le fondateur de Playboy, Hugh Hefner. Comme titre, je suggère Graines de champion, Forcé pour percer ou Hefner et Lola Hefner. Dans le segment Geek Scénic, c'est de vraies odeurs de flatulence pour South Park, l'anal du destin. J'espère que la technologie ne se rendra pas jusqu'à l'émission sur le gars de Playboy. Et dans Merci Science, des bactéries OGM construiront-elles un jour nos maisons? On met du plan de show tout de suite. Et voici celui qui a hâte de voir Hugh Hefner et ses tours de passe-passe, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue à Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 15 août 2016, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de science, technologie, médecine, merci science et le segment Geek Scénix. On devrait avoir du temps pour vrai cette fois-ci pour le segment C'est un fait Edition. La semaine passée, on avait beaucoup de nouvelles. Cette semaine, on a à peu près la moitié de ce qu'on avait la semaine passée. Donc plus de musique, plus de chroniques. Pour commencer l'émission, justement, commençons avec de la musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et la première pièce que je vous présente est par Noémie K. Voici The Cyberpunk sur Mathieu Plante Show tout de suite. Sur CFO 89F. Mike avec The Cyberpunk PC98 Speakboard. C'est une récompense pour les gens qui le suivent sur Patreon. Bon, Mathieu Plante Show, maintenant, c'est Television Television. Wow! Le gars, il a accroché, il a tellement des gros doigts qu'il a fait play et pause en même temps, c'est incroyable. Petit metteur en onde à gros doigts. On commence la chronique télévision avec les nouvelles, évidemment, télévisuelles depuis les 7 derniers jours. On commence par le Québec avec la seule nouvelle que j'ai vue cette semaine qui m'a vraiment fait rire. C'est tellement people, ça sert absolument à rien de savoir ça, mais c'est un petit passe-passe pour le couple Jason Roy l'éveillé et Myriam Brûlé. Oui, on parle de Ramdam. Les deux jeunes comédiens se sont fait prendre la main dans le sac par le site La Clique du Plateau. Myriam Brûlé a récemment affiché son appartement montréalais sur le site Airbnb afin qu'une clientèle internationale puisse bénéficier du logement de l'actrice lors d'une visite dans la métropole. Bien que beaucoup de monde affichant des appartements ou des restaurants sur le web utilisent la technique de demander à leurs proches de commenter leur annonce et augmenter leur code de satisfaction, tous ne sont pas des acteurs connus. Donc, quand Jason Roy l'éveillé a commenté la publication de sa dulcinée pour souligner qu'il avait passé un très beau séjour entre les murs de son condo, il n'a pas fallu beaucoup de temps avant qu'il soit repéré par la clique du plateau. Le message « Thanks, Marion, for having me for a quick visit to Montreal. The place was clean and cozy. Cozy, definitely go back there. Definitely we go back there anytime. » Donc, sa copine de répondre « Jason est très drôle et amical, une très bonne personne. Vous serez satisfait de le recevoir comme invité. » Comme c'est une pratique courante et connue, personne n'est insulté par leur passe-passe, nous dit showbiz.net. C'est plutôt le fait qu'ils se soient affichés ici à visage découvert, alors qu'ils sont deux personnalités publiques du Québec qui étonnent et amusent. Voilà. Ça veut absolument rien dire, mais c'est le fun. On va aux États-Unis maintenant, même pas de nouvelles canadiennes. On parle d'un talk show en direct après les débats pour Stephen Colbert. L'animateur Stephen Colbert a profité des conventions politiques républicaines et démocrates en diffusant son talk show de fin de soirée en direct. Et ça a super bien fonctionné, donc on prévoit répéter l'expérience le soir des débats entre les aspirants président et vice-président. Le Late Show with Stephen Colbert sera diffusé en direct à CBS après les débats du 26 septembre et du 19 octobre entre Hillary Clinton et Donald Trump et à la suite de celui du 4 octobre entre les candidats à la vice-présidence Tim Kaine et Mike Pence. Comme s'appelle Michael Pantalon. Stephen Colbert, qui est dans une année de transition après son départ de Comedy Central, où il tournait de Colbert Report, a semblé apprécier ancrer encore davantage son émission dans les actualités en faisant de l'humour politique sur les conventions. Le passage de l'animateur Jon Stewart à l'émission et l'imitation de Melania Trump par la vedette de Broadway Laura Benanti sont devenus les segments les plus viraux produits par le talk show jusqu'à maintenant. L'animateur a également présenté une nouvelle version du faux personnage de Stephen Colbert qu'il présentait au Colbert Report, l'utilisant donc pour lancer des blagues politiques acerbes comme la chaîne Comedy Network... Comedy Network, oui, c'est ça. Comedy Network? Ouais. Lui a interdit d'interpréter le personnage. Non, c'est Comedy Central. Il me semblait aussi, dans ma tête, ça piétinait un peu. Comedy Network, c'est la chaîne canadienne qui diffuse des émissions américaines, alors que Comedy Central, c'est la chaîne qui produit des émissions qui sont ensuite revendues à Comedy Network. Donc, pas félicitations à l'Associated Press. Hein. On lui a interdit d'interpréter le personnage de Stephen Colbert, affirmant qu'il n'en détenait pas les droits d'auteur. L'animateur l'a donc transformé en cousin identique de Stephen Colbert, qui s'adonne à s'appeler aussi Stephen Colbert. Donc, le grand patron de CBS, Glenn Geller, s'est fait demander par des critiques de télévision si des négociations étaient en cours pour permettre à Stephen Colbert d'utiliser davantage son ancien personnage. Il a cependant évité la question, affirmant que Stephen Colbert en avait parlé à son émission et qu'il préférait lui laisser la parole. La star de la série Esprit criminel, oui, est licenciée. C'est la star donc de la série Criminal Minds, Thomas Gibson, qui a été licencié à la suite d'une altercation avec un membre de la production, selon CNN. Les studios ABC n'auraient pas encore expliqué comment s'organisera le départ du personnage incarné par Thomas Gibson dans la série, mais d'après CNN, l'acteur aurait frappé un des auteurs de la série après un désaccord concernant le script. Il aurait aussi eu une altercation avec un aide réalisateur. Il jouait le rôle de l'agent Aaron Hutchner depuis 11 ans. Toujours aux États-Unis, Robert Downey Jr. va-t-il faire revivre un célèbre avocat? Je m'en fais surtout dans les titres des articles. Robert Downey Jr. donc a un nouveau projet sur le feu. L'acteur de Iron Man serait en discussion pour jouer dans une série pour la chaîne de télé américaine HBO. Il pourrait s'agir de reprendre les habits d'un avocat qui a déjà eu son heure de gloire. Le futur projet, qui n'a pas pour l'instant de titre, est déjà appelé à un grand succès puisqu'il sera scénarisé par Nick Pizzolatto, à qui on doit déjà le brillant script de la série True Detective, comme l'avance The Hollywood Reporter. Les détails sont pour l'instant bien gardés secrets, mais il se pourrait qu'il soit basé sur la série Perry Mason. Robert Downey Jr. essaie de redonner vie au célèbre avocat créé par l'écrivain Earl Stanley pour Warner Brothers et le cinéma depuis des années. Le personnage est une icône de la télé américaine où il a été interprété au cours de plusieurs décennies par Raymond Burr. L'acteur sera le producteur exécutif de la série avec sa femme Susan via leur société de production Team Downey. Si ce projet se confirme et est retenu par HBO, ce sera la première fois que Robert Downey Jr. retrouve le petit écran depuis plus de 10 ans et Ally McBeal, son rôle dans cette série lui avait valu d'ailleurs un Golden Globe. Nous dit Wen. Pardonnez-moi. On a appris cette semaine que c'était la fin pour le talk show The Nightly Show avec Larry Wilmore cette semaine. L'émission donc tire sa révérence selon Comedy Central. Le Nightly Show avec Larry Wilmore combien la case horaire laissée vacante par Stephen Colbert, qu'on parlait tantôt, lors de son départ vers CBS. L'émission qui visait à analyser avec une touche d'humour l'actualité de même que des enjeux plus intemporels, souvent côté racial, présentera son dernier épisode demain, jeudi soir. Larry Wilmore s'est notamment fait connaître en tant que correspondant noir principal à l'émission The Daily Show avec Jon Stewart. C'est Trevor Noah qui a pris la barre en septembre dernier. The Nightly Show n'a jamais su atteindre les codes d'écoute du Daily Show. Évidemment, il faut quand même dire que c'est une demi-heure plus tard, c'est à 23h30. Le Daily Show est en 23h. Récoltant un peu moins de la moitié de ses visionnements lors du deuxième trimestre de 2016 chez les adultes de 18 à 34 ans. Le président du diffuseur Comedy Central, Kent Alterman, a vanté le travail de M. Wilmore et de son équipe, notant qu'il n'a malheureusement pas trouvé écho dans le public de manière à ce qu'on continue. Évidemment, ce que Larry Wilmore est venu un petit peu contredire en disant qu'on a réussi à résonner chez le public, mais peut-être pas dans les codes d'écoute, donc ils ont résonné dans la mentalité des gens. Larry Wilmore, qui a notamment écrit pour les séries télé In Living Color ainsi que The Fresh Prince of Bel-Air, s'est vu décerner un Peabody Award pour la création du Bernie Mac Show. Toujours aux États-Unis, on parle des élections façon Game of Thrones. Élection américaine oblige, la chaîne HBO a lancé sa propre campagne électorale pour désigner le leader politique de Westeros, univers de la série Game of Thrones. Les internautes sont invités à voter jusqu'au 1er septembre pour leur dirigeant préféré. Le choix des colistiers est Jon Snow et Lyanna Mormont, Cersei Lannister et Qyburn, j'écoute pas la série, je m'excuse pour les prononciations, Peter Baelish et Sansa Stark, et Daenerys Targaryen et Tyrion Lannister. Quelque chose qui ressemble à ça. Plus de 1 million d'internautes dans le monde ont déjà voté. On revient au Québec, mais sur le web, et le web va toujours à la fin de la chronique. C'est comme ça que ça se passe, dans mes règlements, dans ma tête. Marie-France Bazot qui va lancer une nouvelle émission sur le web. Elle a mis terme à son émission hebdomadaire à Télé-Québec lorsqu'un crédit d'impôt fédéral lui avait été retiré après 10 ans d'antenne. Elle va faire un retour au petit écran, mais cette fois-ci sur Internet. Elle présentera cet automne les soirées Bazo, où l'animatrice conservera le concept de Bazo TV, mais en abordant cette fois en long et en large un seul enjeu de société avec des experts, des personnalités publiques et des commentateurs issus de milieux variés. Le débat aura lieu devant un auditoire payant de 150 personnes et sera diffusé en direct sur le site Internet Bazo en collaboration avec Télé-Québec, donc on n'a pas brûlé les ponts. À la première émission, le mardi 30 août prochain, sera consacrée « Rentrée oblige à la petite enfance ». Elle se tiendra à l'Écomusée du Fiermonde à Montréal en collaboration avec l'Observatoire des Tout-Petits. On y retrouvera notamment des collaborateurs réguliers de Bazo TV comme le psychologue Camille Bouchard et le journaliste Vincent Marissal, mais aussi le maire de Montréal, Denis Coderre, qui dévoilait récemment la politique de l'enfant. Comme il est souvent d'usage lors d'émissions diffusées en direct, les internautes pourront aussi poser des questions en intervenant aux intervenants, oui, tout au long de la soirée. Marie-France Bazot, qui a animé sa dernière émission de Bazot TV le 24 mars dernier, dirige aussi le mensuel web Bazot Mag, qui consacrera son édition du 8 septembre à la petite enfance aussi. On promet par ailleurs que les contenus du Bazot Mag seront désormais accessibles sur le web, même sans tablette numérique. Madame Bazot avait aussi annoncé en juin qu'elle ramènerait Bazot TV une fois en décembre prochain pour une revue de l'année sur les ondes de Télé-Québec. Donc quand même, elle se tient bien occupée, malgré le retrait de son émission hebdomadaire. Toujours sur le web, le personnage principal de Star Trek Discovery sera une femme. Le tournage de la nouvelle série de Star Trek ne commencera pas que dans un mois et l'émission ne sera pas à l'écran avant janvier 2017, mais la production ne ménage pas les efforts pour attiser dès maintenant l'intérêt des Trekkies. Le producteur de Star Trek Discovery, Brian Fuller, a partagé certains détails sur les décors et les personnages de la série de 13 épisodes lors de l'assemblée de l'Association des critiques de télévision récemment. Il a ainsi révélé que le personnage principal sera une femme humaine, mais qu'elle ne sera pas capitaine. La série présentera pour la première fois un personnage homosexuel et contiendra plus d'extraterrestres que les versions précédentes. Selon Brian Fuller, étant donné que les anciennes versions de Star Trek étaient toutes racontées du point de vue du capitaine, donner de nouvelles tâches au personnage féminin permettra cette fois d'offrir une nouvelle dynamique. Le titre que portera ce personnage n'a pas encore été précisé. Le producteur a également révélé que la série contiendrait des robots et pourrait inclure des versions plus jeunes de personnages connus comme le Dr. McCoy, mais pas dans la première saison. Aucun détail n'a encore été révélé quant à la distribution. Le premier épisode sera diffusé sur les ondes de CBS et les suivants seront accessibles sur le site en ligne de la chaîne, donc CBS All Access. Au Canada, le premier épisode sera présenté en première à CTV et le reste de la saison sera diffusé sur les ondes de Space en anglais et de Z en français. Maintenant, la nouvelle dont on parlait en intro d'émission, Amazon produit une série sur le fondateur de Playboy. Le géant du commerce en ligne a annoncé qu'il allait produire une série télévisée documentaire sur Hugh Hefner pour raconter comment, depuis ses débuts comme simple journaliste, il a réussi à bâtir un empire à partir de son magazine érotique Playboy. American Playboy, The Hugh Hefner Story, puise dans 17 000 heures de films d'archives et dans 2600 carnets de notes de Hefner et promet de révéler des anecdotes encore inconnues de sa vie haute en couleur. Je cite, Hugh Hefner est une personnalité mythique dans le monde entier, blablabla, on saute au prochain paragraphe. Le truculent nonagénaire, je m'en fous de ce que les producteurs pensent. Le truculent nonagénaire à la vie personnelle débridée, autrefois outre trois épouses, il a eu de multiples bunnies pour compagne, souvent des relations multiples concomitantes et une personnalité controversée, défenseur des droits civiques, de la liberté sexuelle et du mariage homosexuel notamment, décrié par l'Amérique puritaine. La série présentera dans l'Amérique d'après-guerre débutera pardon, dans l'Amérique d'après-guerre pour mener les spectateurs jusqu'au lancement de Playboy en 53, puis à travers les 6 décennies suivantes de la vie et carrière du charismatique fondateur de ce magazine connu pour ses mannequins dénudés. Les 13 épisodes commandés seront diffusés sur le service par abonnement Amazon Prime aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche et au Japon l'an prochain et seront disponibles sur l'application Amazon Vidéo. On sait toujours pas ce qui va se passer avec les droits canadiens pour Amazon. Les émissions sont achetées aux pincettes par différentes chaînes, mais il n'y a pas encore d'Amazon Prime Vidéo au Canada. Playboy Enterprises, maison mère du magazine, mais également de site internet, entre autres Déclinaison Média, a annoncé en mars étudier une éventuelle cession qui pourrait atteindre 500 millions de dollars. Le tirage du magazine, dont Marilyn Monroe a été la première playmate en double page centrale en 53, a culminé en 72 à 7 millions d'exemplaires, avant de s'éroder, se stabilisant aujourd'hui à quelques 800 000 exemplaires. Wow, c'est vraiment pas grand-chose. Hugh Hefner est aussi célèbre pour sa Playboy Mansion de Beverly Hills, demeure aux fêtes légendaires et débridées. Un accord a été passé récemment pour la vendre à un homme d'affaires américain, fils d'un milliardaire qui a notamment racheté la marque de gâteaux Twinkies. C'est rempli de détails, cet article-là. Voilà. Donc, allez lire le reste sur assemblagerequis.com si cela vous intéresse. C'est la fin de Télévision Télévision. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Dans quelques instants, on va faire Merci Science. On va parler, entre autres, de paraplégiques qui retrouvent la mobilité grâce à la réalité virtuelle. Mais avant ça, en musique, on s'en va entendre. Automaton subsiste. Voici Guilty Heart. MPS, le Mathieu Plante. Sur ce. We'll be right back. pas que vous mettez 20 secondes à la fin de vos chansons. Automaton Subsist avec Guilty Heart au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est Merci Science. Moi aussi, je vais mettre 20 secondes à la fin de chaque affaire. Ça va être la fin. Alors, on commence avec des paraplégiques qui retrouvent de la mobilité grâce à la réalité virtuelle. Sans intervention chirurgicale, sans électrodes ni appareillage, par le seul entraînement aidé d'un système de réalité virtuelle, des patients paralysés depuis des années ont retrouvé des sensations et le contrôle partiel de leurs jambes. Des résultats sans précédent selon les médecins auteurs de cette avancée. Jusqu'à présent, personne n'avait observé la récupération de ces fonctions chez un patient tant d'années, donc 3 à 13 ans, après un diagnostic de paralysie complète. C'est ce que des membres... enfin, on parle de membres inférieurs... C'est le docteur Miguel Nicolesis qui dit ça. Spécialiste des neurosciences de l'Université Duke en Caroline du Nord, il a dirigé cette étude publiée dans la revue Scientific Reports. Ces avancées surprenantes et sans précédent ont été obtenues au bout d'un an avec une interface cerveau-machine, un système de liaison directe entre le cerveau et un ordinateur, sans aucune implantation de puces, d'électrodes ou de stimulateurs dans le corps. Chacun des 8 patients paralysés des deux jambes a dû s'imaginer en train de marcher à l'aide d'un avatar virtuel, ce qui a permis de faire réapparaître la représentation des membres inférieurs dans son cerveau, ont constaté les chercheurs qui mènent ce projet au Brésil. La rééducation a probablement réactivé des nerfs de la moelle épinière qui avaient survécu au traumatisme à l'origine de la paraplégie comme un accident de voiture ou une chute. Et, je cite, il peut s'agir d'un petit nombre de fibres nerveuses résiduelles, mais suffisantes pour véhiculer des signaux de la zone du cortex moteur du cerveau à la moelle épinière. La rééducation a combiné une immersion intensive dans la réalité virtuelle, renforcée par des signaux visuels et tactiles donnant la sensation de toucher le sol, reçu par le patient et des exercices physiques, notamment sur le tapis roulant. Le matériel inclut également des exosquelettes, des structures de soutien du corps pour la marche activée par la pensée. Un casque d'électrodes sur le crâne du patient permet de capter les signaux associés aux mouvements envoyés par le cerveau afin de permettre au logiciel informatique de les déchiffrer. Avec cet entraînement, les patients ont pu effectuer des mouvements volontaires. Au bout d'un an, les sensations et le contrôle musculaire de 4 patients s'étaient suffisamment améliorés pour que les médecins requalifient le niveau de leur paralysie de paraplégie totale à paraplégie partielle. Au bout de 20 mois, ce nombre est passé à 7, a précisé le responsable de l'étude. La plupart des patients ont également bénéficié d'une amélioration du contrôle de leur vessie et du fonctionnement de leur intestin, réduisant ainsi leur dépendance aux laxatifs et aux sondes, et donc le risque d'infection, l'une des principales causes du décès parmi eux. Wow! Les meilleurs résultats ont été enregistrés chez les femmes. 2 femmes paralysées depuis plus de 10 ans et sans aucune sensation dans la partie inférieure de leur corps. Une vidéo montre l'une d'entre elles bouger volontairement ses jambes, soutenue par une sorte de harnais. Une de ses patientes peut maintenant s'asseoir et conduire. L'une d'elles a aussi pu, pour la première fois, sentir son bébé et les contractions lors de son accouchement. Des patients masculins ont également fait état d'une amélioration de leur performance sexuelle. Certains d'entre eux ont récupéré la possibilité d'avoir des rapports sexuels ou même des érections. Une autre étude est prévue pour déterminer combien de temps il serait souhaitable de poursuivre cette rééducation, même allégée. Récemment, un tétraplégique américain de 24 ans, Ian Burkhart, était parvenu à utiliser sa main pour saisir un objet ou prendre son café à l'aide d'un logiciel et une puce implantée dans son cerveau pour convertir sa pensée en action. Ce qui impliquait aussi des câbles encombrants, contrairement à cette nouvelle méthode. Celle-ci pourrait être testée dans l'avenir sur des patients paralysés depuis peu. Elle pourrait par ailleurs bénéficier à d'autres pathologies comme des AVC ou des maladies dégénératives, selon les chercheurs, qui prévoient une réduction de son coût pour permettre sa diffusion. Des bactéries OGM construiront-elles un jour nos maisons? Des chercheurs sont parvenus à faire activer par la pression les gènes d'une bactérie qui génère des biofilms, donc des communautés multicellulaires. Semés dans le sol, ce type de micro-organisme pourrait ainsi le solidifier et s'occuper pour nous de réaliser les fondations d'une construction, voire même plus. Martin Dale Robertson de la Newcastle University a présenté avec ses collègues lors d'un colloque un curieux travail traitant de l'effet de la pression sur la souche K12 de la bactérie Escherichia coli, un micro-organisme fétiche des biologistes. Dans un article qu'il a rédigé sur le site de Conversation, il s'adresse aux profanes pour faire comprendre l'intérêt d'une telle étude et commence par l'énigme résolue des mystérieuses constructions sous-marines de l'île de Zakynthos en Grèce. Découvertes en 2013 par des touristes à quelques mètres de profondeur, elles ont enflammé les imaginations, certains y voyant les ruines de l'Atlantide. Leur analyse détaillée et l'absence totale de vestiges accessoires ont conduit à une conclusion toute différente. Ces formations ont été édifiées par des bactéries mangeuses de méthane. Il y a fort longtemps, à une profondeur plus élevée, elles ont formé une matrice extracellulaire faite de polymères qui a solidifié le sédiment. L'érosion a ensuite, plus récemment, dégagé des restes aux formes étranges. Cette matrice est un biofilm, structure collective que les bactéries construisent sur un substrat dur ou mou, géologique ou biologique, comme nos dents et notre tube digestif. Elles y trouvent un gîte confortable, s'y organisent un réseau de communication et trouvent probablement là un moyen d'échanger plus facilement leurs gènes. Ces unicellulaires ont ainsi quelque chose de multicellulaire. Certaines bactéries comme Sporo, Sarcina pasteuri et Bacillus megatherium fabriquent même de la calcite, un minéral formé de carbonate de calcium quand elles produisent de l'ammoniac. C'est la biominéralisation. Les chercheurs de la Newcastle University en rappellent les principes pour montrer l'intérêt de leur étude sur les mécanismes génétiques à l'œuvre dans la fabrication de ces biofilms. L'équipe a en effet travaillé sur la réponse de bactéries à des pressions modérées entre 0,1 et 1 mégapascal dans un dispositif expérimental où un hydrogel simule le sol. Les biologistes pouvaient ainsi voir la réaction des micro-organismes en trois dimensions. Un modèle informatique leur a par ailleurs permis de relier l'expression génétique aux caractéristiques des différents types de sols expérimentaux avec leurs contraintes mécaniques et les gradients de pression. Leur prochaine étape, explique-t-il, est d'utiliser cette sensibilité à la pression pour déclencher la biominéralisation. Ils soulignent que des chercheurs de l'Université de Delft au Pays-Bas ont déjà réussi à rendre un béton auto-cicatrisant grâce à la biominéralisation de la calcite par des bactéries. Il suffirait alors d'appliquer une certaine pression sur le sol ensemencé avec des micro-organismes génétiquement modifiés pour le solidifier et former ainsi les fondations d'un bâtiment. Les progrès de la biologie synthétique permettront d'aller bien plus loin, argumente-t-il, et de mettre à notre service des bactéries pour créer des villes ou bâtir des cités. Est-ce qu'on vient de découvrir une cinquième force? Les physiciens affirment avoir repéré une cinquième force qui viendrait s'ajouter aux quatre que la science reconnaît aujourd'hui. Est-ce une révolution de la physique? On n'est pas certain. Parce que depuis des décennies, des physiciens viennent présenter une telle cinquième force pour à chaque fois mordre la poussière. On a donc du mal à prendre au sérieux cette énième annonce, nous dit Futura Science. On dit parfois en plaisantant que l'univers observable est gouverné par la bande des quatre. Entendez donc la gravitation, la force électromagnétique et les forces nucléaires faibles et fortes. Plusieurs tentatives pour prolonger et unifier les théories de ces interactions dans le cadre d'une nouvelle physique impliquent l'existence de nouvelles forces. En général, elles doivent être peu intenses et agir à très courte portée pour avoir échappé aux expériences menées depuis plus d'un demi-siècle. Les tentatives pour mettre en évidence une cinquième force ont été nombreuses et toutes les expériences qui semblaient aller en ce sens n'ont pas résisté à la critique. Un obscur groupe de chercheurs hongrois est parti modestement à la recherche de cette cinquième force, non pas par l'aide du LHC, le LHC étant le Large Hadron Collider, le grand collisionneur de Hadron, de Hadron, mais avec des expériences de physique nucléaire à basse énergie. En cherchant des signes de l'existence des photons noirs, ils ont découvert une curieuse réaction. Des noyaux de beryllium produits en bombardant des noyaux de lithium avec des protons se désexcitent en produisant des photons gamma, lesquels donnent à leur tour des paires d'électrons et de positrons avec des caractéristiques incompréhensibles dans le cadre du modèle standard. Un célèbre chercheur américain, Jonathan Feng, de l'Université de la Californie, University of California, a sorti de l'ombre ce résultat en proposant avec des collègues dans un article sur Axiv que cette expérience n'indique pas la présence de photons noirs, mais d'un autre type de boson neutre. Sa masse serait d'environ 17 MeV. D'habitude, ils mettent la définition en parenthèse, mais bon. C'est 34 fois celle d'un électron et il est lui aussi lié à la nouvelle physique et à une cinquième force. Feng et d'autres chercheurs affirment n'avoir pas trouvé de faille dans la présentation de l'expérience des physiciens hongrois. C'est peut-être pour ça que cette affaire a finalement été relayée dans le journal Nature. L'histoire, cependant, reste difficile à prendre au sérieux. S'il n'est effectivement pas impossible de tester des théories comme celle du modèle électrofaible avec des expériences de petite taille, il est douteux qu'une particule d'une aussi faible masse et possédant même un couplage assez faible et ad hoc à d'autres particules ait échappé depuis des décennies aux expériences en accélérateur. Il est tentant donc de parier que tout va rapidement finir comme l'affaire des neutrinos transluminiques, du boson à 750 GeV et de Bicep 2, même si la théorie de Feng semble testable avec des expériences comme LHCb et Dark Light au Jefferson Laboratory. Ouais. Vous pouvez cliquer sur ces affaires-là pour aller voir ce que ça veut dire sur assemblagerequis.com. Un article dans le très sérieux Quantum Magazine fait état de l'avis de plusieurs experts qui sont en effet franchement sceptiques. L'équipe hongroise avait déjà affirmé avoir découvert un nouveau boson en 2008 puis en 2012 avant de se rétracter sans donner d'explication. Les mauvaises langues disent qu'ils ne contrôlent pas vraiment leurs mesures et qu'un biais expérimental est tout à fait probable. Et pour terminer, un bronzage venu des confins de l'univers. Nombre de vacanciers présentement arborent fièrement un joli teint bronzé. Ils le doivent souvent au soleil, mais aussi, selon l'étude australienne, un tout petit peu au fond diffus extragalactique. De quoi ajouter une touche d'exotisme dans notre bronzage. Chaque seconde, ce sont quelques 10 milliards de photons d'origine extragalactique, donc ceux qui constituent le fond diffus extragalactique qui frappent notre peau de jour comme de nuit, dès que nous mettons le nez dehors. C'est en tout cas la conclusion à laquelle est arrivée l'équipe de l'International Center for Radio Astronomy Research en Australie. 10 milliards, soit 10 à la 10. Un chiffre impressionnant qu'il convient tout de même de relativiser. En effet, lorsqu'on prend un bain de soleil, ce ne sont pas moins de 10 à 21 photons issus de notre étoile, donc le soleil, qui bombarde notre corps chaque seconde. Ainsi, la lumière extragalactique ne compte que pour une part infime de notre bronzage. Rappelons que le fond diffus extragalactique, le EBL pour Extragalactic Background Light, est constitué de rayonnement de l'ultraviolet à l'infrarouge émis par l'ensemble des étoiles et des galaxies existant ou ayant existé dans l'univers depuis son origine. Dans certaines parties du spectre, ce rayonnement est difficile à mesurer. L'équipe de l'International Center for Radio Astronomy Research s'est appuyée sur des images fournies par divers télescopes spatiaux, parmi lesquels le télescope spatial Hubble, le télescope spatial infrarouge Spitzer, ou encore le Galaxy Evolution Explorer UV. Pour réaliser les mesures les plus précises jamais réalisées de ce fond diffus extragalactique. Selon cette étude australienne, on est donc bombardé à chaque instant par des photons venus des confins de l'univers. Pas de panique, nous rassurent les chercheurs. Avant que ces photons ne nous causent quelques dommages que ce soit, il nous faudrait nous prélasser à la lumière de l'EBL pendant plusieurs milliards d'années. Comme toujours, on fait ça fréquemment. D'autant que l'univers semble nous être livré avec sa propre protection intégrée. Ainsi, près de la moitié de l'énergie provenant de la lumière ultraviolette émise par les galaxies est convertie dans une longueur d'onde moins dangereuse grâce aux collisions que subissent les photons sur les divers grains de poussière qu'ils rencontrent dans leur voyage. L'équivalent d'une crème extragalactique, avec un indice de protection 2, nous dit Futura Science. Si les astrophysiciens de l'International Center for Radio Astronomy Research se sont intéressés à l'EBL, ce n'est bien sûr pas pour estimer son impact sur le bronzage. Leur étude s'intègre en réalité dans un programme plus vaste qui vise à mieux comprendre comment nous sommes passés de l'univers primordial à l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, car l'EBL porte en quelque sorte la mémoire de la formation stellaire et avec elle de l'histoire de l'univers dans son ensemble. Voilà. Pour Merci Science, les liens sont sur assemblagerequis.com. Comme j'ai des explications additionnelles que je prends pas le temps de lire, tout ça dans les liens sur assemblagerequis.com. Nous, avant de passer à la prochaine chronique qui est le segment Geek Scénix, on va aller entendre une autre pièce de musique chiptune. Donc voici Balasseur 75 et la pièce Arcobaleno. MPS, le Mathieu Blanchot. We'll be right back. Oui, Mike, avec Event 2M au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est le segment Geek Cynix. CNX, c'est la chronique dans laquelle on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. On a plein de choses vraiment intéressantes et comme toujours, on commence par les avancées technologiques, donc des choses tout à fait futuristes. À des tatouages temporaires. Microsoft Research et le MIT ont conçu des tatouages temporaires dotés de fonctions de communication très simples à fabriquer. Baptisé Duo Skin, il pourrait servir à piloter un smartphone, échanger des informations par liaison sans fil ou encore changer de couleur en fonction de la température corporelle. Et si les tatouages n'étaient pas uniquement esthétiques mais aussi fonctionnels, c'est l'idée derrière Duo Skin par Microsoft Research et le MIT qui est le Massachusetts Institute of Technology. L'idée de départ est assez simple, créer des tatouages électroniques temporaires. Pour ce faire, les chercheurs ont eu recours à un matériau conducteur à la fois biocompatible, relativement robuste et facile à mettre en œuvre. Une feuille d'or est imprimée sur du papier à tatouage qui sera ensuite appliqué sur la peau. Des motifs variés peuvent être dessinés à l'aide de logiciels de conception graphique classique, genre Photoshop. La fabrication commence par la création d'un pochoir du dit motif dans du papier à tatouage recouvert d'un film vinyle sur lequel la feuille d'or est déposée. L'électronique est collectée par l'intermédiaire de câbles très fins incorporés dans le tatouage. Il existe actuellement trois sortes de Duo Skin. Le premier permet de créer une interface tactile qui reproduit le fonctionnement d'un bouton, d'un curseur ou encore d'un pavé d'ordinateur portable, grâce auquel il serait possible, par exemple, de contrôler l'interface du lecteur de musique d'un smartphone ou de prendre des appels téléphoniques si on utilise un kit main libre. La deuxième application, Duo Skin, repose sur l'emploi de pigments thermochromiques. Le tatouage réagira alors à la température corporelle. Différentes parties du motif peuvent être, peuvent changer de teinte, donc selon les circonstances. Le troisième usage possible porte sur le transfert d'informations en champ proche. Donc une puce NFC est intégrée au tatouage qui permet de stocker des informations qui pourront ensuite être lues au moyen d'un smartphone ou de tout autre appareil compatible, genre pour payer des affaires dans un magasin qui a Apple Pay, t'sais. Dans les applications envisageables, peut-être pas Apple Pay parce que c'est... En tout cas, bref. Ça, c'est juste pour Apple. Dans les applications envisageables, l'équipe de Microsoft Research et du MIT évoque les billets électroniques qui pourraient être enregistrés dans le tatouage et lus à l'entrée d'un cinéma ou d'une salle de concert ou encore la possibilité d'accomplir des paiements électroniques. 100 millions de voitures seraient piratables. Les fermetures électroniques des portières de voitures ne sont pas fiables, démontrent les chercheurs qui viennent de présenter leur étude. Des circuits aisés à fabriquer permettent de simuler une télécommande d'ouverture à distance. L'équipe s'est concentrée sur les marques du groupe Volkswagen, mais elle a aussi montré ses faiblesses chez d'autres constructeurs. Lock it and still lose it, donc verrouillez-la et vous la perdrez quand même. C'est le titre choc d'une étude présentée à la conférence Usenix à Austin, au Texas. Elle concerne une nouvelle fois le piratage de voitures, plus précisément l'ouverture des portières par télécommande. L'étude est signée par trois chercheurs de l'Université de Birmingham ainsi que par Timo Casper de l'entreprise allemande Casper & Oswald. L'équipe a en fait conduit deux analyses sur les véhicules des marques du groupe Volkswagen depuis 1995, donc Audi, Volkswagen, Seat et Skoda, sur l'algorithme de cryptage HiTag 2 mis en œuvre dans des circuits intégrés PCF7946 et PCF7947, évidemment, réalisé par l'entreprise NXP et utilisé par de nombreux constructeurs, notamment Alfa Romeo, Ford, Lancia, Opel, Peugeot, Renault et Ford. Résultat, il est possible de décrypter les échanges entre la clé et le véhicule pour ensuite y pénétrer à loisir sans infraction. Ainsi, 100 millions de voitures seraient piratables. Ce piratage est tout de même limité par la faible portée de ces systèmes à base de puces RFID, donc fréquence radio. Le malfaiteur doit donc être tout près de la victime. On rappelle qu'en 2015, BMW avait mis à jour un logiciel interne communiquant par carte SIM qui ouvrait à cause d'une faille un accès à des fonctions de la voiture par une connexion Internet. Chez Volkswagen, les chercheurs ont noté l'évolution positive des systèmes de sécurité au cours des années, avec quatre versions. Avec la première utilisée jusqu'en 2004 sur certains modèles, les auteurs de l'étude affirment que la sécurité n'est assurée que par la faible portée de l'émission radio. L'écoute des échanges suffirait à générer un signal similaire pour déverrouiller la voiture. Les systèmes plus récents envoient des paquets de données cryptées. Cependant, pour les deux versions utilisées entre 2004 et 2009, les chercheurs notent que ce codage est similaire d'une clé à l'autre sur les millions de véhicules du groupe, facilitant donc la réalisation d'une clé clonée. La quatrième version améliore la situation, mais pas parfaitement, avec des clés de cryptage identiques sur de nombreux véhicules. Selon les auteurs, le groupe Volkswagen affirme que désormais, les clés sont individualisées pour chaque véhicule. Alors que Volkswagen utilise son propre système, nombre de constructeurs s'en remettent aux puces de NXP. Leur algorithme HiTag 2 est personnalisable et utilisé par différentes marques depuis de nombreuses années. Il a aussi, lui aussi, ses faiblesses. que les chercheurs ont pu exploiter. Pour décrypter les échanges, il faut intercepter plusieurs codes et utiliser un ordinateur. Les chercheurs donnent la liste des 15 voitures dont ils ont pu forcer l'ouverture, depuis une Alfa Romeo Giulietta de 2010 jusqu'à une Renault Master de 2011, en passant par une Citroën Nemo de 2009, une Fiat Punto de 2011 et une Peugeot Boxer de 2010. Évidemment, toutes des marques qu'on n'a pas en Amérique du Nord, que je sache. Conclusion, l'idéal est d'utiliser une clé mécanique. Donc une clé qu'on tourne. Hein? On ne peut chasser... on change de sujet complètement... En fait, on reste dans les voitures, c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis là. On reste dans les voitures, on peut pas chasser les Pokémon au volant, même dans un stationnement. Une automobiliste manitobaine qui chassait des Pokémon avec son téléphone cellulaire tout en roulant dans le stationnement d'une station-service a été ramenée à la dure réalité. Le quotidien Winnipeg Free Press rapporte que la jeune femme de 21 ans de Carberry a été interpellée par la gendarmerie royale canadienne pour avoir utilisé un appareil électronique portatif sans système de main libre au volant d'un véhicule en marche. Elle a écopé d'une contravention de 203,80 $. Selon le sergent Robert Sirène, porte-parole de la GRC, la jeune femme a failli causer une collision frontale dans le stationnement d'une station-service de Brandon. Oh boy. L'automobiliste a admis qu'elle s'adonnait au populaire jeu, mais elle a affirmé qu'elle ne croyait pas qu'il était interdit d'utiliser un téléphone cellulaire dans un stationnement. Oui, mais imbécile! Il y a quand même des... Excuse-moi. Madame, gentille dame, il y a quand même des voitures dans le stationnement. Selon le policier, il s'agirait de la première infraction imputée au jeu Pokémon Go sur le territoire de la GRC au Manitoba. On reste dans les voitures, mais on change. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus intelligent que la madame. Excuse-moi. Un premier véhicule à l'hydrogène en sol québécois. Le premier véhicule à l'hydrogène au Québec est arrivé à l'Institut de recherche sur l'hydrogène. Vous devinerez jamais où? À l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui sera chargé d'en faire l'essai dans les conditions climatiques québécoises. Le premier véhicule à l'hydrogène Tucson de Hyundai sera utilisé dans le cadre d'un projet d'expérimentation mené par l'IRH et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Ce projet a pour but de faire l'essai et de tester la fiabilité de ce type de véhicule dans le climat du Québec. Ce véhicule, qui aura une autonomie de 215 km, fonctionne à l'aide d'une pile combustible. Il sera alimenté par un hydrogène, il sera alimenté en hydrogène par la station de ravitaillement installée sur le site de l'UQTR. On la voit tout le temps, elle est juste à côté de nous, devant les cubes, à droite des cubes. Québec a octroyé une aide financière de 200 000 $ pour le projet de recherche ainsi qu'un autre projet de l'IRH portant sur le développement d'outils de gestion de la demande d'énergie de la clientèle résidentielle des réseaux électriques autonomes. Cette aide survient dans le cadre de la politique énergétique 2030, dans laquelle Québec s'est engagé à réduire de 40% la quantité de produits pétroliers consommés d'ici 2030. C'est un article de Radio-Canada. On reste dans les voitures encore avec les navettes Hyperloop. En fait, pas voiture, mais on y va avec des trains cette fois-ci, qui ne seront pas pour les claustrophobes. En croire les concepts d'intérieur de navettes Hyperloop présentés par Hyperloop Transportation Technologies, le moyen de transport futuriste ne laissera pas beaucoup de place pour préserver son espace personnel. Hyperloop claustrophobe s'abstenir, dit-on. Si on connaît déjà les cabines passagers des avions en matière d'espace restreint, les navettes Hyperloop pourraient suivre le même chemin, mais en plus high-tech. Dans des clichés conceptuels et une vidéo sur YouTube, Hyperloop Transportation Technologies dévoile sa conception de l'intérieur de ses navettes. Au programme, des sièges très serrés et des fenêtres augmentées à l'aide d'écrans intégrés. Étant donné l'espace disponible dans la navette et la nécessité de transporter un maximum de passagers en même temps pour des raisons de rentabilité, il faudra vraisemblablement se serrer à l'intérieur. Parmi les détails étonnants, on note la séparation des sièges plus haute que les accoudoirs qu'on retrouve dans les trains ou les avions. Aucun espace ne semble prévu pour les bagages à main. Mais Hyperloop travaille avec plusieurs entreprises autour de la conception des capsules. Et la preuve, les photos du design intérieur diffusées dans le dernier numéro du magazine Monocle. Monocle donne une vision différente des sièges présentés dans une vidéo conceptuelle conçue par Reflect pour HTT. Néanmoins, cette entreprise ne s'intéresse pas vraiment au design des sièges. Elle est spécialisée dans les réalités virtuelles et augmentées. Ça explique peut-être pourquoi ils ont mis à peu près n'importe quel siège. Hyperloop n'en est qu'à ses débuts et d'ici à ce que les passagers puissent monter à bord des premiers appareils, de l'eau aura probablement coulé sous les ponts, nous dit Clubic.com. Si HTT planche actuellement sur un nouveau matériau nommé le vibranium pour renforcer la sécurité des voyageurs, il y a encore un effort à faire côté confort et ergonomie à l'intérieur des capsules. Toujours dans le segment Geek CX, on parle de nouvelles du futur, on parle de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Maintenant, on parle de la Colombie-Britannique et de drones qui vont peut-être aider les pompiers. Le service des incendies de la Colombie-Britannique, BC Wildfire, utilisera désormais des drones pour lutter contre les feux de forêt. BC Wildfire a effectué des tests pendant 2 ans pour évaluer, entre autres, les services de cartographie et de balayage des drones, selon la porte-parole Erin Catterall. Je cite, on a été vraiment impressionnés. D'après les commentaires des équipes de lutte contre les feux, ça a été grandement bénéfique. Blablabla. Madame Catterall indique que les drones peuvent faire beaucoup moins cher ce que les hélicoptères volant à basse altitude faisaient auparavant, de l'imagerie thermique, détecter la chaleur ou encore cartographier le périmètre d'un incendie. Il ajoute que les drones ne nécessitent pas de personnel à de bord et peuvent travailler la nuit dans des situations périlleuses. Faut quand même quelqu'un pour le contrôler, là. Hein? Les drones officiels de BC Wildfire seront pilotés par des opérateurs spécialisés dans les conditions des incendies de forêt. Le gouvernement a des contrats avec deux opérateurs pour l'été. Comment la NASA imagine l'avion de demain? Après avoir parlé un petit peu de train et de drone, tous les écologistes vous le diront, l'avion est un des pires moyens de locomotion en matière d'empreinte carbone. Malheureusement, c'est également le seul capable de couvrir d'aussi grandes distances en si peu de temps, dit le Huffington Post. Pour lutter contre le réchauffement climatique, beaucoup cherchent donc à réduire la consommation des avions. La NASA vient justement de dévoiler le 5 août dernier des concepts novateurs qu'elle souhaite tester dans les années à venir. Ils échoueront peut-être, je cite ici, mais personne ne peut en être sûr tant qu'on ne leur a pas donné une chance. La NASA va soutenir 5 équipes de chercheurs pour vérifier la faisabilité de leur théorie. Sur les 5 projets, 4 pourraient clairement s'adapter aux avions de ligne, le dernier étant centré sur les drones. Il y a par exemple l'idée d'un avion fonctionnant en partie grâce à de l'électricité, pas entièrement comme Solar Impulse évidemment, mais en partie. L'idée des chercheurs est d'utiliser des piles à combustible qui permettent de générer de l'électricité grâce à de l'hydrogène et de l'oxygène. Si ces piles sont connues et si beaucoup y placent de grands espoirs, reste le problème de l'extraction des matières premières et du stockage. La NASA doit vérifier s'il serait possible d'extraire l'hydrogène du kérosène en utilisant les hydrocarbures rejetés par le moteur. L'oxygène serait, lui, récolté directement dans l'air autour de l'avion. Une fois l'électricité générée, encore faut-il un moteur à faire fonctionner. La NASA veut améliorer la puissance des moteurs électriques, mais à taille égale. Pour ce faire, les chercheurs vont tenter d'utiliser l'impression 3D pour arriver à créer des moteurs puissants, mais plus petits et légers. Toujours dans l'idée d'un avion en partie électrique, il faut également pouvoir stocker de l'énergie. Or, les batteries sont un poids supplémentaire pour l'avion. Une équipe de la NASA va donc tenter d'utiliser un type de batterie novatrice, le Lithium Air. Celles-ci sont les plus puissantes à l'heure actuelle. Elles aspirent de l'oxygène quand on les utilise et en rejettent quand elles se chargent. Mais le problème, c'est qu'avec ce procédé, elles s'usent très très vite. Les chercheurs vont donc tenter de fabriquer des batteries ultra résistantes à l'oxygène. Pour que l'avion consomme moins, il faut également qu'il soit le plus aérodynamique possible. Or, il y a un élément qui pourrait être bien plus compact en plein vol, mais qui a besoin d'une surface plus grande lors de l'atterrissage et du décollage. C'est l'aileron vertical arrière. Les chercheurs veulent essayer de réduire sa taille en vol pour réduire la résistance au vent, par exemple, en créant un adaptatif qui peut grandir ou rétrécir en fonction de la situation et des besoins. L'année dernière, la NASA avait déjà choisi 6 projets permettant d'améliorer l'avion de demain. L'un d'eux imaginant, par exemple, la possibilité de transformer la carlingue de l'avion en une batterie géante. Si ces théories peuvent paraître un peu folles, il ne faut pas oublier que la NASA est à l'origine de nombreuses innovations qui sont utilisées quotidiennement sur les routes et dans les airs. Vous pouvez aller voir plus là-dessus sur assemblagerequis.com. Maintenant, on parle de nouvelles un petit peu plus généralistes. On parle de cybersécurité parce que les chefs de police réclament l'accès légal aux mots de passe. Les chefs de police canadiens réclament une loi pour contraindre les gens à révéler leurs mots de passe aux forces de l'ordre avec approbation du juge, dit la presse canadienne. L'Association canadienne des chefs de police a adopté une résolution incitant le gouvernement à prendre les mesures législatives pour faciliter l'obtention de preuves électroniques. L'ACCP estime que les criminels ont de plus en plus recours au chiffrement pour dissimuler leurs activités illicites en ligne. Entre autres, les empreintes digitales. Le commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada, Joe Oliver, a déclaré qu'aucune loi canadienne ne contraignait actuellement le détenteur d'un mot de passe à le révéler aux policiers dans le cadre d'une enquête. Contrairement aux États-Unis, j'avais lu quelque chose là-dessus, qu'aux États-Unis, on pouvait te forcer à donner le code de ton... Non, on pouvait te forcer... Je crois que si on peut te forcer à donner ton empreinte digitale, mais on peut pas te forcer à te donner le mot de passe. C'est pour ça que sur les produits Apple, on te redemande ton mot de passe une fois par quelques heures, une fois par jour, et quand tu redémarres ton téléphone, c'est pour pas justement que tu te fasses prendre avec ces affaires-là. La résolution de l'ACCP survient alors que le gouvernement fédéral entame ses consultations en matière de cybersécurité, notamment par rapport à l'équilibre entre les besoins des policiers et les libertés fondamentales. Les consultations se poursuivent jusqu'au 15 octobre. Et toujours chez la police, mais cette fois-ci à Londres, une police anti-troll en Grande-Bretagne. Scotland Yard vient de mettre sur pied une équipe de 5 spécialistes chargés de cibler et d'arrêter les trolls soupçonnés de crimes haineux. Les réseaux sociaux cesseront-ils d'être un Far West, nous demande en fait Radio-Canada. Les autorités britanniques n'en sont pas à leurs premières actions pour rendre illégaux les abus en ligne, mais leur nouvelle unité spéciale appelée Online Hate Crime Hub traquera plus rapidement les trolls et offrira un meilleur soutien aux victimes. Je cite, ceux qui sont visés par ces crimes en ligne sont souvent isolés, vivant dans la crainte que les représailles en ligne se concrétisent dans leur vraie vie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, les victimes se disaient isolées, alors que hors ligne, les policiers interviennent rapidement pour des voies de fait, des altercations et des menaces. En ligne, ils sont plus lents à intervenir, voire même pas du tout. Il est laborieux pour les policiers de démasquer des assaillants anonyme. Le manque de moyens ou de connaissances techniques explique en grande partie pourquoi. La nouvelle équipe aidera les policiers à développer des compétences pour repérer les abus en ligne et intervenir plus rapidement. Elle collaborera sur les diverses plateformes de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Cette initiative, quoique modeste, montre une fois de plus que l'espace numérique n'échappera pas un jour aux règles de bienséance qui prévalent dans la société. Nous dit encore une fois Radio-Canada. Une étude australienne dévoilée l'hiver dernier montrait que presque la moitié des femmes ont vécu des abus ou de l'intimidation en ligne. Ce taux monte à 70% pour les femmes de moins de 30 ans. Ces abus vont de contacts en ligne non souhaités jusqu'à des menaces de viol et de meurtre. Le reste des détails, si vous voulez l'historique des trolls en ligne, c'est sur assemblagerequis.com. Et finalement, on en parlait en intro d'émission, de vraies odeurs de pets de flatulence pour South Park, l'anal du destin. Oui. Ubisoft a annoncé le Nautilus Rift, le cousin éloigné du casque de réalité virtuelle Oculus Rift, vous avez remarqué le jeu de mots, pour simuler les odeurs de pets. L'appareil conçu spécialement pour South Park, l'anal du destin, la suite du populaire South Park, le bâton de la vérité, permettra aux joueurs de sentir les flatulences pendant qu'ils jouent. ça occupe une place prépondérante dans l'intrigue du nouveau titre, très très mature. Il est encore difficile de savoir si le Nautilus Rift sera disponible pour le grand public. Par contre, la publicité pour le produit a un ton assez sérieux et Ubisoft a confirmé que les joueurs présents à la convention Gamescom en Allemagne, bientôt dans les prochains jours, vont pouvoir tester le Nautilus Rift. Vous pouvez voir la bande-annonce sur Assemblage. C'est là-dessus qu'on termine le segment Geeks Phoenix. Comme je vous l'avais dit, les nouvelles se font très peu nombreuses au mois d'août. Je dirais la moitié du contenu habituel dans ce creux de l'été qu'on appelle le mois d'août. Allons-y avec le top des jeux les plus loués en club vidéo. En 10e place, Pokémon Omega Ruby sur la 3DS. En 9e position, Pokémon Y sur la 3DS. En 8e, Minecraft Story Mode sur la PS4. En 7e, Pokémon X sur la 3DS. En 6e, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur PS4. En 5e, le même jeu sur Xbox One. En 4e, Grand Theft Auto 5 sur la Xbox One. En 3e, Pokémon Alpha Sapphire sur la 3DS. En 2e, Grand Theft Auto 5 sur la PS4. Et en 1ère place, le jeu le plus loué en club vidéo est No Man's Sky sur PlayStation 4. Voilà. Il nous reste seulement à faire c'est un fait Tech Edition et il reste encore une 2e heure complète de l'émission. Donc d'après moi, un petit peu plus de musique, un petit peu plus de trucs d'intermission volontaire pour écouter un petit peu de bonnes chansons. On s'en va entendre comme prochaine pièce, celle de Balaker 75. Voici. Est-ce qu'on l'a fait jouer celle-là? Oui, hein? On l'a fait jouer, hein? C'est bon. Arco Baleno. Plus sûr. On va la sauter pour aller à l'autre. Viens pas être sûr. On va être sûr, OK? Oui, c'est ça. On l'avait fait jouer. C'est Come Over 4 qu'on s'en va entendre avec la pièce Written From Existence. C'est bien ça? Je suis tout bêlé dans mes affaires. Où est-ce que je suis rendu? MC Jimmy. OK, regarde, on va faire jouer ça, puis ça ira comme ça ira. MC Jimmy, Written From Existence. Le gars est peut-être un petit peu mêlé. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Ah, je la reconnais pas. Fait que ça non plus. Ah, elle est bonne en plus. Pour l'écouter. 4 avec Ping Pong, Tic Tac, What It Sounds Like When an Indie Game Gets Shoved in Your Ears. Avant ça, c'était Written from Existence par MC Jimmy ou Mathieu Planchot. Maintenant, c'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Tech Edition! Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait Integration, la chronique dans laquelle on parle de choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet, mais bien sûr en parlant de jeux vidéo. On commence par Back to the Future, The Game par Telltale Games sur PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Xbox 360 et Xbox One. Je pense qu'ils ont mis le paquet là-dessus, sur le budget. Pendant que le jeu était en développement, Dennis Leonard voulait inclure les acteurs du film d'origine pour reprendre leur rôle dans Retour vers le futur, le jeu, bien sûr. Certains n'étaient pas disponibles. Plus tard, en 2015, Tom Wilson, qui jouait le rôle de Biff Tannen, a remplacé Andrew Chaikin pour reprendre la voix de son personnage pour la version 30th Anniversary Edition. Cette version-là est sortie en octobre 2015 pour célébrer le même mois et année où Marty McFly et le Doc Brown allaient dans le futur, donc le 21 octobre 2015, dans Back to the Future Part 2. Donc, le gars qui faisait Biff Tannen a repris la voix alors que c'était un imitateur dans la version originale du Back to the Future The Game. Ensuite, dans Resident Evil Zero par Capcom sur la GameCube, tôt dans les deux versions sur GameCube et sur la Wii, à l'intérieur du train, il y a des pancartes qui sont par-dessus, au-dessus des portes du train. Elles étaient illisibles dans la résolution d'origine du jeu. Quand tu jouais sur la GameCube, tu n'arrivais pas à voir ce qui était écrit. Par contre, quand ils ont sorti la version HD, ça devenait visible. Donc, les pancartes disaient « Dining Car », donc tu sais, c'est la place où tu reçois les repas, je pense que c'est là où ils font les repas, où ils distribuent les repas, mais c'était réutilisé « Dining Car » pour chaque porte dans le jeu, dans le train. Donc, on a mis du flou là-dessus pour pas qu'on puisse le lire dans la version haute définition. Il y a aussi un poster flouté dans le train qui est en fait une photo d'un des programmeurs du jeu. Ça a été changé pour la version HD parce qu'on pouvait le reconnaître, alors que dans la version GameCube, c'était pas assez beau pour qu'on puisse voir la face de la personne. Allez voir la vidéo pour voir de quoi je parle sur assemblagerequis.com. Le dessin sur la couverture de Destiny Islands. On parle du jeu Peter Pan par Phoenix Games sur la PlayStation 2. Donc, il y a un dessin de Destiny Islands dans le jeu Kingdom Hearts qui a été utilisé pour la pochette du jeu Peter Pan sur la PlayStation 2. Sur la boîte, on peut voir l'île à l'arrière-plan. Et c'est clairement pas l'île du jeu Peter Pan, c'est l'île Destiny Islands du jeu Kingdom Hearts. Donc je sais pas comment ça s'est retrouvé là. Quelqu'un s'est dit bah on a besoin d'un arrière-plan d'une île. On va juste googler ça pour mettre l'île en arrière. Je sais pas. Ensuite, The Binding of Isaac Rebirth, un petit jeu indie par Edmund McMillan et Nick Ellis sur 3DS, PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U et Xbox One. C'est un des plus gros jeux indie qui existent. Donc les propriétaires de Rebirth, The Binding of Isaac Rebirth, avaient droit à un rabais de 39% pour précommander le contenu téléchargeable Afterbirth sur Steam, ce qui a fait descendre le prix de 10,99$ à 6,66$. C'était le but. On donne un rabais de 39% pour que ça donne 6,66$ comme dans Chiffre du Diable. On se comprend? C'est un beau petit gag. Maintenant, Metal Slater Glory de Nintendo sur la NES. Un remake du jeu nommé Metal Slater Glory Director's Cut a été éventuellement fait pour la Super Famicom, qui est la version là-bas de la Super Nintendo. C'est sorti le 29 novembre 2000, donc c'était le dernier jeu officiel qui est sorti sur la Super Nintendo, Super Famicom au Japon. Maintenant, dans Super Mario Maker de Nintendo sur la Nintendo Wii U, le jeu au départ était supposé être une version revampée de Mario Paint pour profiter bien sûr du gamepad de la Nintendo Wii U. Par contre, il voulait aussi prendre les outils pour faire Super Mario, donc pour faire ses propres tableaux. Et donc, en mettant ça sur le gamepad de la Wii U, ça faisait que les niveaux étaient plus faciles à créer avec l'écran tactile. Donc à la base, c'était supposé être Mario Paint. Maintenant, dans Super Mario 2, petit bloc thématique sur Mario, au Game Boy Advance et sur la Nintendo, c'est aussi ressorti sur la Super Nintendo, il y a une boucle de 14 secondes de la musique qui joue dans le subspace. Ça, dans Mario Bros 2, si vous vous rappelez, c'est quand vous entrez dans le monde où tout est noir, là. C'est comme un genre de bonus, tout est noir, les ennemis sont figés, il y a une petite étoile, des fois vous pouvez prendre des cerises, des champignons, des trucs comme ça. Bref, donc le subspace qu'on ne peut pas entendre dans le jeu parce que le jeu te sort tout de suite du subspace après 7 secondes. Aussitôt que t'es dans le bonus, 7 secondes, t'es sorti tout de suite. On peut l'entendre lorsqu'on entre dans le subspace, avec l'effet d'étoile. Donc si vous rentrez avec l'étoile dans le subspace, la musique va pouvoir jouer plus longtemps parce qu'en sortant du subspace et que l'invisibilité se termine, il y a un bug qui fait que le subspace continue. C'est pas supposé continuer. Donc on va entendre le loop de 14 secondes du subspace qu'on n'est pas supposé entendre. T'sais. Et là, ça arrêterait là. Là, on reviendrait dans le jeu. C'est cool quand même. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont écrit aussi long? Je sais pas. Eh ben, c'est bon, hein? Ouais, ben ça recommencerait, mais là, on va l'arrêter. Donc, une boucle de 14 secondes du subspace dans Mario 2. Ensuite, chez Super Smash Bros., la série en général, donc pas de console, juste en général, Super Smash Bros., un des plus longs travaux de littérature dans la langue anglaise et de la fanfiction, dans le fond, de Super Smash Bros. À 4 047 350 mots. Ça dure environ 8 fois et demi la longueur de Lord of the Rings. Pour ceux qui ne savent pas, la fanfiction, c'est des gens qui écrivent des textes en prenant des personnages de télé, de films, puis qui écrivent leur propre histoire là-dessus. C'est comme une petite histoire romancée. C'est de même que ça a commencé, c'était-tu... pas Fifty Shades of Twilight, je pense, qui avait commencé comme fanfiction de quelque chose d'autre, il me semble. En tout cas, peu importe, ça n'a absolument rien à voir, mais fanfiction de Super Smash Bros., 4 047 350 mots, 8 fois et demi, Le Seigneur des Anneaux. Wow. Maintenant, pour la série South Park, le jeu South Park sur Xbox a été en développement par Buzz Monkey Games, qui est plus tard devenu Zynga Eugene, mais plus tard, ça a été annulé. Le jeu était très similaire à The Simpsons Hit and Run. C'est un peu un genre de Grand Theft Auto où les personnages principaux exploraient la ville de South Park, mais évidemment, ça n'a jamais eu lieu. Maintenant, pour Conquer Live and Reloaded par Rare sur la Xbox, une suite directe nommée Conquer Get In Medieval. Avec un apostrophe à Get In, en passant. À un certain point, elle était prévue, mais n'a jamais été fabriquée. Le jeu aurait focusé sur un mode complètement en ligne et multijoueur. Ça se serait passé à l'époque médiévale, d'où le nom. La mort, Death, aurait été le personnage principal et Conker aurait eu un rôle d'invité vedette. Donc, de ce scénario-là, il y aurait eu des classes, il y aurait eu des contreparties médiévales, trucs comme ça. Bref, un truc médiéval. Conker, Get In Medieval. Et le Get In écrit G-E-T-I-N apostrophe. Je sais pas si c'était une faute de quelque chose, mais bon. Ça prend deux T, Get In. Epic Quest of the Four Crystals. Maintenant, chez Rose Portal Games sur PC. Le développeur du jeu... s'est retrouvé dans une controverse avec l'éditeur Valve après avoir, offert une promotion pour donner des clés Steam gratuites. Steam étant un système pour jouer à des jeux vidéo sur votre ordinateur, il faut des clés pour avoir les jeux. Donc, il voulait faire une promotion avec des clés Steam en échange de critiques sur le service de distribution numérique de Steam. Donc, on donnait une clé pour avoir le jeu, il fallait que tu donnes une critique positive du jeu, t'sais. Ce qui n'est pas nécessairement très très droit. Valve était incapable de déterminer quel utilisateur avait donné une critique contre une clé. Donc, résultat, ils ont enlevé chaque critique du jeu et on a recommencé à zéro. Ce qui a, je trouve, absolument du sens. Tu peux pas faire ça. C'est comme sur Amazon, c'est prouvé. Il y a plein d'études ou d'articles là-dessus qui disent qu'il y a plein de critiques sur Amazon qui sont fausses parce que les gens ont reçu le produit gratuitement. Il faut que ce soit dit. Des fois, si tu le dis, ça peut marcher. Parce qu'il faut qu'on sache en tant que public. Maintenant, on vient à Final Fantasy, cette fois-ci pour Final Fantasy VII par Square Enix sur PC et PlayStation. Une des publicités pour le jeu disait, et je cite, « Someone please get the guys who make cartridge games a cigarette and a blindfold. » Donc, quelqu'un, s'il vous plaît, achetez aux gens qui font des jeux sur cartouche des cigarettes et un bandeau sur les yeux. Et good thing if it were available on cartridge, it would retail for around $1,200. Donc, une chance, si ce jeu était disponible sur cartouche, il se vendrait pour plus de $1,200. Donc, c'était une blague contre Nintendo et leur plateforme Nintendo 64 qui était encore à cartouche alors que tout le monde était passé au CD. Donc, ils voulaient faire un commentaire là-dessus. Et ça, c'est une publicité magazine. Voilà. Ensuite, dans Resident Evil 2 de Capcom sur Dreamcast, GameCube, Nintendo 64, PC et PlayStation, dans la version japonaise, les animations de la scène de mort sont censurées en envoyant l'écran directement au black noir, donc fade to black comme on appelle, fondu noir, laissant seulement l'effet sonore et le you died à l'écran. Donc si vous voulez voir l'avant-après, dans la version originale, on voit le mort par terre avec plein de sang, alors qu'en anglais, c'est seulement un écran noir. Dans WWE 2K16 de Visual Concepts et Hughes sur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox One, Jeff Gerstmann, qui écrit pour le site Giant Bomb, était très fâché parce que sa personne en tant que telle, son personnage Dr. Tracksuit, contre lequel il se bat dans des événements au PAX Wrestling, a été utilisé dans les bandes-annonces pour WWE 2K15, un jeu de lutte. Gerstmann est allé sur Twitter pour exprimer sa frustration. Il dit « Je trouve que c'est pas correct que quelqu'un utilise ma personnalité, ma personne, pour promouvoir une franchise qui est aussi terriblement mauvaise depuis si longtemps. » 2K Sports a plus tard renvoyé la bande-annonce aux médias sans l'extrait de Dr. Tracksuit. On peut voir le personnage sur assemblagerequis.com dans une petite photo. PD2 de Overkill Software sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Malgré le fait que les développeurs avaient dit que le jeu n'aurait jamais de microtransactions, tu sais, quand tu achètes le jeu, après ça, il faut que tu achètes des cossins dans le jeu pour de l'argent. La mise à jour Black Market pour le jeu a ajouté des coffres-forts qu'on pouvait mériter à la fin de match, qui pouvaient seulement être ouverts avec une drill qui peut être achetée à $2.49 de vrai argent. Donc, ils sont allés à l'encontre de leurs promesses. Sonic Runners par Sonic Team sur Android et iOS pendant l'événement Halloween Special, par le tableau Halloween Special Stage en 2015. Les développeurs ont fait une excuse aux joueurs par rapport au personnage Boo qui avait été incorrectement nommé dans le jeu Boob. Eh ben. Nous travaillons présentement sur une réparation pour cette erreur et on espère la faire bientôt. L'équipe s'excuse pour les... Bon, c'est à peu près ce que ça dit. Ensuite, Rock Band 4 de Harmonix sur PlayStation 4 et Xbox One. Les développeurs qui avaient travaillé sur le jeu se sont fait prendre en train de poster des critiques positives de leur jeu. Ça revient encore à ça sur le site Amazon. J'en parlais tantôt. Harmonix a posté un texte disant que c'était contre leur politique interne et malgré le fait que certaines des critiques étaient sincères, elles ont dû être éditées pour dire au sommet que ça avait été écrit par les employés de Harmonix ou encore les enlever complètement. Les critiques ont été découvertes par un utilisateur sur Reddit qui a appris que les critiques partageaient le même nom que certains développeurs chez Harmonix. Ce qui n'est pas tellement dur à voir parce que les jeux vidéo, quand tu fais le tour, il y a un générique à la fin. GoldenEye 007 par Rare sur Nintendo 64. À l'origine, la violence du jeu était supposée être pas mal plus intense avec du gore, ça dit beautifully rendered gore, donc du gore fait de façon fantastiquement belle, donc ça allait exploser partout. Mais le réalisateur du jeu, Martin Hollis, a trouvé que c'était un petit peu trop. Donc, il décide de calmer la violence dans GoldenEye 007. Toujours dans le même jeu, le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto, a envoyé au développeur du jeu GoldenEye 007 un fax avec des suggestions pour le jeu. La première suggestion est qu'il y avait beaucoup trop de tuages de gens avec un plan rapproché. close-up killing, donc tuer quelqu'un de vraiment proche. Elle trouvait ça horrible. La seconde suggestion était de faire que les joueurs serrent tous la main de leurs ennemis qui étaient à l'hôpital à la fin du jeu. Donc tu fais le tour du jeu, à la fin les ennemis sont à l'hôpital, le gars serre la main, je les ai pas vraiment tués. Ils étaient juste à terre, tu sais, puis ils dormaient, tu sais. Ben oui, hein. Les suggestions ont donné l'idée, en fait, ça a bien fini quand même, a donné l'idée que les personnages soient présentés dans le générique comme s'ils avaient été joués par de vrais acteurs dans le jeu. C'était pour expliquer, dans le fond, que les tueries étaient pas vraies dans le jeu. C'est quand même, au moins, ils ont quand même pris la suggestion à cœur en faisant un petit quelque chose par rapport à ça. Là. Mais bon, le faire serrer la main à l'hôpital, c'est pas très réaliste. Dans Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, par Konami sur PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox One. Le jeu à l'origine avait un... Ah, ça c'est vraiment cool. Et j'aimerais jouer avec le filtre. Le jeu à l'origine avait un filtre 80s. Genre un filtre années 80 par-dessus le jeu. Donc quand tu jouais à la télé, t'avais l'impression d'être sur une vieille télé cathodique, genre une console des années 80. Selon le réalisateur Hideo Kojima, ça a été inspiré par le film Rush de 2013, qui lui-même avait une texture années 70. L'histoire de jeu se passait en 1984, donc l'équipe a étudié les filtres qui rappelaient les années 80, VHS, trucs comme ça. Par contre, une fois qu'on l'a mis en plein écran sur une télé de bonne qualité, on trouvait que ça demandait trop de processeur. Ça ralentissait le jeu. Parce qu'il faut évidemment que chaque image jeu, c'est quoi, 30 images secondes et plus? Moins 30? Enfin, proche de ça. Donc à la fin, on l'a enlevé parce que ça prenait trop de processeur dans la console. On va prendre une petite pause musicale avant de continuer avec un autre bloc de C'est un fait égal de chose. Je trouve qu'on s'amuse quand même dans cette chronique-là, on apprend des choses. Allons entendre une pièce de Drexigar qui s'appelle DSN-12, Pat Morita's Ninja Limousine Space Adventure. Pat Morita, c'est le gars qui joue dans... qui est le petit Karate Kid! Hey, crime! Hein, oh, j'étais proche de pas l'avoir. Karate Kid, donc voici Drexigar tout de suite MPS, le Mathieu Conchou. Sur C'est fou! 89 FM! DSN-12, Pat Morita's Ninja Limousine Space Adventure. Au Mathieu Plancho, maintenant de retour à C'est un fait, Tech Edition. Je prendrai pas le temps de chanter aujourd'hui pour cette deuxième chronique-là. Ok. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Ah, je peux pas me retenir des fois de chanter. C'est un fait d'agression, toujours la collègue des choses véridiques, véritables et vérifiables. On a eu une bonne trollée de faits intéressants tantôt. J'espère que ça va être pareil pour le deuxième bloc. On commence par la NES. Nintendo a sorti le Famicom Titler, qui était une console variante de la Famicom, qui est la version japonaise de la Nintendo Entertainment System, fabriquée par Sharp exclusivement au Japon, qui pouvait enregistrer ta partie pendant que tu joues. Donc, la console pouvait éditer le jeu que t'as fait, le footage, acheter des sous-titres, enregistrer de la narration avec un microphone intégré à la machine. La console avait une entrée S-Video, sortie S-Video, à la place d'une sortie RF, comme la Famicom et la NES normale, pour produire donc de la vidéo en couleur RGB et pour se connecter à d'autres appareils d'enregistrement, par exemple une caméra vidéo. Donc c'est fait par Sharp. J'imagine que ça doit valoir super cher sur eBay. Ça s'appelle le Famicom Titler. Maintenant pour Batman Arkham Knight par Rocksteady et Warner Brothers sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Lorsque le jeu est sorti pour la première fois sur Steam, Arkham Knight était horriblement optimisé et a été détesté par la critique et par les médias. Les gens qui l'avaient acheté et par les médias. Le jeu a été retiré et ensuite on l'a remplacé plusieurs mois plus tard. Par contre, une blague à la course, comme j'appelle une running gag, était que le jeu, à l'origine, le jeu qui buguait tout le temps, était à une vitesse qui était montrée sur une pancarte de limite de vitesse dans les posters du jeu. Donc il disait qu'il était 30 000 à l'heure, donc 30 images secondes, comme j'ai dit tantôt. Ça a été changé dans le jeu lorsqu'il est ressorti sur Steam pour que les gens arrêtent de faire cette blague-là. Ça montrait maintenant 60 000 à l'heure comme vitesse sur l'affiche. C'était comme pour dire aux gens, genre, on sait de quoi vous parlez, clin d'œil. Maintenant, pour Tengen Tetris sur la NES par Atari et Tengen, la version d'Atari de Tetris sur la NES avait un mode deux joueurs coop compétitif. Il y avait aussi un mode contre ordinateur, des choses qui étaient absentes des versions faites par Nintendo qui ont plus tard remplacé les versions d'Atari. Donc, certains encore aujourd'hui préfèrent les versions d'Atari aux versions de Nintendo de ce temps-là. Maintenant sur PC en général, selon les informations qu'on a aujourd'hui, un simulateur d'échecs fabriqué pour le Telmac TMC 1800 PC appelé ChessMac était officiellement le premier jeu finlandais commercialement disponible. Il date de 1979. Le développeur Raimo a ajouté deux versions du jeu Game of Life de John Conway comme contenu bonus sur cet ordinateur-là, sur son simulateur d'échecs. Maintenant, c'est Minecraft par 4J Studios et Mojang sur tout ce qui existe en ce moment, Android, iOS, PC, Wii U, Xbox 360. Le Geological Survey of Sweden, SGU, a sorti un mod pour Minecraft. Minecraft, le jeu avec les briques, genre, on construit en genre de 8 bits. Donc, qui ajoute une géologie un petit peu plus réaliste dans le jeu. Par exemple, on peut aller chercher de l'or dans les rivières et chercher des matériaux qui sont plus ressemblants à la réalité. Voilà. Donc, c'était pour améliorer la connaissance en géologie chez le grand public. Ça dit pas si ça a eu du succès ou si les gens l'ont téléchargé, mais quand même, ils l'ont au moins fait l'effort. Dans Dynasty Warriors, en général, la série au complet, au Japon, Dynasty Warriors 2 est sorti sous le nom de, et là un paquet de symboles, ce qui veut dire Shin Sangoku Musou, à la place de Sangoku Musou 2. On a fait ça pour pouvoir le différencier du jeu Dynasty Warriors premier du nom, vu que c'était deux jeux dans différents genres de jeux. À cause de ça, les jeux Dynasty Warriors ont un numéro, un chiffre de différence entre le Japon et l'Amérique du Nord. Donc, le 2 et le 1, le 3 et le 2, le 4 et le 3, etc., etc. Hein? Intéressant. Maintenant, dans Ratchet & Clank Future A Crack in Time par Insomniac Games sur PlayStation 3, lorsque le jeu a été amené au Japon pour être localisé. Ça, c'est un jeu américain, donc qui a été localisé au Japon. D'habitude, c'est le contraire. L'apparence de Ratchet a changé un petit peu pour avoir de plus gros sourcils noirs à la place d'avoir de petits sourcils bruns dans la version d'origine. Et on a aussi ajouté plus de brillance à ses yeux. On sait pas pourquoi, mais on a fait ça. Il y a des gros sourcils noirs. Allez voir la différence en photo sur assemblagerequis.com. Maintenant, dans L.A. Noire par Rockstar Games sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, dans la version japonaise, tous les corps de femmes morts ont des morceaux de tissu pour couvrir leur partie privée à la place d'être complètement nus. Seulement dans la version japonaise de L.A. Noire. Bizarre. Dans un jeu nommé Uno Turapuro Mutaa Male par Hammersoft sur le Commodore 64. Ce jeu-là, qui veut dire Numbskull Empty Brook Moves, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a appelé ici, c'est le premier et le seul jeu vidéo basé sur une licence de film finlandais. Eh ben, Numbskull Empty Brook Moves. Dans le jeu Sanxion, par Thalamus sur Commodore 64 et ZX Spectrum, Sanxion était le premier jeu fabriqué en Finlande qui était vendu internationalement. On a quelques faits sur la Finlande apparemment aujourd'hui. Je vous rappelle que les faits proviennent de VGFacts.com. Ensuite, dans les jeux de Mario Party, le résultat de chaque roulée de dés a absolument rien à voir avec comment le joueur frappe le bloc. Vous savez, dans Mario Party, vous devez frapper un bloc par en dessous, ça va, c'est comme un dé, et vous allez révéler un numéro, un chiffre. Et ça n'a rien à voir avec quand est-ce que tu frappes sur le bloc. En fait, tout ça est décidé à la base, avant même le début du tour. Et le joueur pense avoir un effet sur tout ça, mais ce n'est qu'une illusion. Ça reste que c'est un ordinateur qui choisit ton chiffre au hasard, donc en tant que tel, c'est au hasard, mais c'est pas toi qui détermine le hasard. Il n'y a pas de talent derrière tout ça. Crash Bandicoot devait avoir des cutscenes, donc des cinématiques en dessin animé pour l'ouverture et la fermeture du jeu. Les animations ont été abandonnées parce que Sony voulait mettre l'accent sur les graphiques 3D du jeu. Donc j'imagine que ça prenait plus de place, donc il a fallu enlever la portion de dessin animé. Mais une capture d'écran que vous pouvez voir sur assemblagerequis.com, et j'imagine que si vous cherchez quelques instants sur YouTube, vous devez trouver une petite vidéo de ça. J'imagine qu'il y a ça quelque part. J'ai pas cherché, je devrais peut-être. Le premier prototype en anglais de Mother sur la NES. Mother, qu'on appelle ici Earthbound. La version 1 s'appelle maintenant, depuis quelques années, Earthbound Beginnings. A été acheté, donc la première version en anglais, un prototype, a été acheté en 1996 pour environ 100$. En 1998, le propriétaire l'a vendu pour acheter sa première maison. Sa première maison, tellement ça valait de l'argent. Ensuite, un des plus... l'Octobrush dans Splatoon. Octobrush, pour commencer, Splatoon, c'est le jeu où on envoie de la peinture partout, le but étant de couvrir un territoire de ta propre couleur de peinture contre une autre équipe. Octobrush, c'est une sorte de véhicule. On l'appelle le Hokusai au Japon. D'après l'artiste Katsushika Hokusai, une des peintures de Hokusai était The Dream of the Fisherman's Wife, qui montrait une femme en train d'avoir des relations sexuelles avec deux pieuvres. Donc c'est ça. On a fait un hommage à ce gars-là dans un jeu qui s'adresse à la famille, mais c'est pas dit dans le jeu, c'est correct. C'est une chance que les enfants vont pas sur Google pour se renseigner sur ces affaires-là. Ensuite, vous connaissez, dans le jeu Fallout, il y a le personnage de Vault Boy, c'est le petit garçon blond avec un habit bleu et jaune avec les mains sur la terre. Donc le personnage de Vault Boy est basé sur Monsieur Monopoly, apparemment. Il a pas de moustache, il a pas de chapeau, mais je sais pas, il est blanc puis il a des bras puis des jambes. C'est ce que je vois en commun, des petits yeux noirs. Ensuite, Xbox. Si on laisse la Xbox originale, le premier modèle, le gros modèle avec la grosse manette de la Xbox, si on la laisse allumer sur le dashboard pendant un bout de temps, il va y avoir des bruits bizarres qui vont jouer. En fait, c'est des sons modifiés de Apollo, de la NASA. Des sons de la NASA qui commencent à jouer si tu laisses la console ouverte trop longtemps sur le dashboard. Eh bien. La souris d'ordinateur. OK, là, vous allez devoir me dire qu'est-ce que ça a en commun. Donc, la souris d'ordinateur. La visioconférence, vidéoconférence, conférence vidéo, peu importe. La téléconférence, l'hypertexte, les word processing, le traitement de texte, hypermédia, object addressing et le dynamic file linking, le bootstrapping et un éditeur de collaboration en temps réel. Tout ça, ce que ça a en commun, c'est qu'on les a montrés pour la première fois dans ce qu'on appelle dorénavant, depuis ce temps-là, on a rétroactivement nommé ça « The Mother of All Demos », donc la mère de toutes les démonstrations, parce qu'ils ont montré tellement d'affaires qui ont révolutionné le monde. Ça s'est passé en 1968. Tout ça, ça fait longtemps, tant d'affaires, qu'on a l'impression que c'est plus récent que ça. Le premier render CGI, donc CGI, c'est du Computer Graphics... c'est quoi les lettres? Attends, CGI. Computer Graphics Inter... Hey, c'est l'impression, j'ai envie de dire. Attends un peu. On va aller voir ça. En anglais. Non, pas... Ouais. Computer Generated Imagery. Voilà. Image de synthèse qu'on dit en français. Ça avait rapport avec ça, mais je savais pas c'est quoi les lettres. Donc, le premier CGI produit était une animation de 30 secondes suédoise d'une voiture sur une autoroute. Ça a été fait en 1961. Encore, on a l'impression que les graphiques 3D, c'est super récent, mais en 1961, on faisait déjà des renders de graphisme par ordinateur. Il y a un langage de programmation qui s'appelle Intercal, qui a des mots-clés comme ignorer, ignore, please, s'il te plaît, forget, oublie. Donc, si tu n'utilises pas, dans du codage, tu as des instructions à donner à l'ordinateur, bon, tu sais, va à la ligne, telle affaire, exécute telle affaire, tu sais, run, bon. Là, il faut faire please à chaque fin de phrase. Et si tu dis pas, s'il vous plaît, assez souvent pendant que tu fais ton codage, le compilateur va rejeter ton code. Drôle quand même. Ensuite, c'est le dernier, celui-là. Dû aux limites du matériel d'arcade en 1981. C'est un fait que, bon, c'est un fait quand même assez de base. Mais Mario était habillé en rouge avec une salopette et un chandail bleu. pour faire contraste contre ses bras, son corps et l'arrière-plan. La casquette a été ajoutée pour avoir à, pour ne pas avoir à dessiner ses cheveux, son front et ses sourcils. Son gros nez et sa moustache évitaient d'avoir à dessiner la bouche et ses expressions faciales. Donc c'est pour ça, à la base, que Mario porte ce qu'il porte. Évidemment, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Sauf le fait que Mario, avant, portait des salopettes rouges et un chandail bleu, alors que maintenant, il porte un chandail rouge et des salopettes bleues. Le contraire, voilà, parce que c'est plus beau, là. On l'a vu, regardez, allez sur Internet, cherchez Mario avec l'habit à l'envers. La première couverture du premier Nintendo Power avait en porte à modeler le contraire des couleurs, ça a juste l'air bizarre. C'est chandail rouge, ça n'a pas de bleu. Voilà, pour cette fête d'agression, quand il reste encore une demi-heure à cette émission-là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? Donc, on s'en va entendre d'autres musiques chiptune. On va l'entendre l'artiste Cliphead. Voici Octo Baby MPS, le Mathieu Plante Show, pour encore un petit peu moins de 30 minutes à peine. 89 FM. Thank you. l'écouter. 89.1. Baby par Cliphead. On va commencer avec un autre bloc musical parce qu'on aime ça. Plus tard, il y aura c'est quoi? Irishi? Non, Funk of Ages par The Jazz Surgeon, mais avant ça, c'est Irishi avec Unarmed. Tout de suite au Mathieu Planchot. Three, four, five, six. c'était Dan Wilkins et la pièce Zurich Funky Stuff. J'ai bien aimé celle-là. Juste avant, c'était Summer's Over par Becca. Ça, c'était moyennement chiptune, surtout vers la fin, là, où ça chantait comme... Excellent, excellent talent de chanteur. Mais bon, c'était quand même bon. L'arrière-plan, il y avait un petit peu de musique de jeux vidéo quand même. Avant ça, c'était Funk of Ages par The Jazz Surgeon. On a débuté avec Irishi Unnamed. Oui, un bloc de 4 pièces de chansons, parce que j'ai parlé pendant 1h30 avant, fait qu'à un moment donné, je méritais bien ça. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Déjà, comme l'attaque surprise de fin. C'est tout. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis, en direct de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis en direct les mardis de 14h à 17h, ainsi que la plupart des soirs à la mise en onde du Baseball des Aigles. Pour les gens qui nous écoutent en direct le mercredi, le baseball va commencer juste après Audiomatique. C'est un programme double. On va manquer le début du match, mais soyez-y à 18h. Programmation complète sur Assemblage sur site.ca. Oui, notre émission et balado-diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show et Mathieu Plante, c'est le Mathieu Plante. Vous avez été planté, restez là pour Audiomatique. Bye bye!